Oui. On va parler, on change un peu de ton, on va reparler au Raymond Poirier du numérique pour jaser algorithmes, possibilités et inquiétudes. Bon, d'abord Raymond, là, moi je te pose la question, les algorithmes, qu'est-ce que c'est exactement un algorithme? Alors les algorithmes, on a une idée. On sait un peu, mais précisément. Si je vais au plus simple, c'est un peu les codes informatiques qui régissent beaucoup de choses, qui analysent beaucoup de choses. Par exemple, en fait, essentiellement, c'est aux recettes, les algorithmes sont aux recettes, ce que les équations sont. En fait, c'est un peu des recettes mathématiques, si on peut dire. Donc, pour classer, pour organiser, pour gérer, pour proposer des choses. Par exemple, si vous faites une recherche sur Google, ben il y a des algorithmes qui vont aller chercher en fonction de différents critères, de différents paramètres qu'on leur a donnés. Donc, ils vont vous proposer ce qu'eux pensent comme étant les meilleurs résultats. Ça, c'est ce qui fait, par exemple, que la semaine dernière, je regardais un hôtel dans le coin de Gatineau et genre 5-10 minutes après, je recevais des publicités d'hôtels, de Trivago. C'est une forme d'algorithme aussi, dans le fond. Dans ce cas-là, c'est de voir un peu les endroits sur lesquels tu surfes. Et si, par exemple, tu vas sur des sites comme Trivago ou d'autres, avec l'option, ben vous pouvez y aller en étant connecté sur Facebook. Mais dans ce cas-là, évidemment, il y a un transfert d'informations qui va se faire. Il y a des algorithmes qui vont identifier ces choses-là. Si on y va plus global, le fait d'envoyer un courriel et que le courriel sache où aller, c'est des algorithmes aussi, c'est des opérations mathématiques, des opérations informatiques. Les fonctions liées à l'ordinateur, liées aux jeux vidéo, ben c'est des algorithmes qui essentiellement vont créer les récits, ben vont générer les récits qui ont été créés, vont générer des opérations qui vous permettent d'ouvrir, de fermer des applications. Même chose sur les téléphones intelligents. Dans les systèmes GPS, ben c'est des algorithmes qui vont calculer quel serait le meilleur chemin pour se rendre du point A au point B en fonction des critères et des paramètres qu'on leur a demandé d'évaluer. Alors, ces éléments-là qui sont mis de l'avant, donc c'est essentiellement partout. Et évidemment, on en parle ou on s'en préoccupe peut-être un peu plus depuis ces histoires de fausses nouvelles dont on a abondamment parlé au fil des semaines. Donc, dans l'idée où, à un moment donné, Facebook a décidé de remplacer des éditeurs humains par des algorithmes pour faire le classement de nouvelles, mais en même temps, excuse-moi, Raymond, parce qu'on parle on parle de ça, là, on dirait que les algorithmes vivent par elles-mêmes et qu'il n'y a plus d'humains derrière ça. Mais faut y revenir. Il y a quand même toujours des humains derrière un algorithme. L'impression que ça vit tout seul, cette affaire-là. Tellement c'est puissant, tellement c'est rapide et tellement on n'y pense plus. Mais en fait, c'est partout. C'est évidemment pas toujours des objets propriétaires. C'est pas toujours des objets connus. Dans le fond, on sait pas toujours la nature, justement, de cet algorithme-là précisément. Il y en a qui peuvent intégrer des erreurs ou des manques. Tout est perfectible. Évidemment, tu dis, pour l'instant, l'humain est derrière l'algorithme. Oui, mais éventuellement, dans le moyen terme, les algorithmes vont créer eux-mêmes d'autres algorithmes. Donc, l'idée que déjà, de toute façon, si ce qu'on crée, c'est des algorithmes d'apprentissage, donc un peu ce qu'on appelle le machine learning. Donc, l'idée que on crée un algorithme et ensuite, la machine peut elle-même enrichir cet algorithme-là en allant apprendre, en allant chercher des informations. Donc, elle se parfait elle-même et éventuellement en venir donc à parfaire d'autres machines également. Évidemment, toute cette somme de préoccupations là peut amener des petites gaffes, des petites dérives. Je parlais de Facebook tantôt, c'est un cas quand même assez spectaculaire. À un moment donné aussi, je pense qu'il y a un algorithme qui par erreur pour nous avait donc généré des échanges internationaux en termes de devises et ça avait fait perdre 6,1% de valeur en quelques secondes à la livre britannique. Ça c'était le 7 octobre 2016. Sinon, on parle de beaucoup de petits exemples comme ça là qui viennent nous rappeler que tout n'est pas infaillible là-dedans. Et moi, dans ce contexte-là, je suis tombé sur une étude, une analyse assez stimulante qui a été produite par le Pew Research Center, qui, eux, ont envoyé un questionnaire sur, justement, l'algorithmique aujourd'hui et demain à 1302 spécialistes des technologies aux États-Unis et ailleurs. Et de ce questionnaire-là, ils ont été chercher les grandes tendances dans les réponses et dans les préoccupations ou les espoirs qui étaient fondés dans ces algorithmes-là par justement ces plus de 1000 répondants. Ah oui. Et donc, c'est une inquiétude qu'un algorithme puisse en créer une autre. On parle d'inquiétude, ça peut naître un parce que à quel moment il y aura un contrôle humain et puis il peut y avoir des dérives épouvantables. Oui, en fait. Moi, ça évidemment me fait grincer des dents. Bien sûr, je connais pas tant le sujet, je suis pas très. Mais il me semble qu'à un moment donné, il y a un genre de perte de contrôle ou il peut y avoir un genre de perte de contrôle. J'ai refait le premier constat qu'ils ont fait un peu. Tu le mentionnais tantôt, ils sont partout. On a l'impression qu'ils sont partout et on les oublie. Alors, c'est un peu le premier thème, si on peut dire, qui est ressorti de cette analyse-là. Donc, l'idée que généralement, les algorithmes sont invisibles aux yeux du public et de manière exponentielle, on en verra de plus en plus au fil des prochaines années. Donc, habituez-vous à entendre ce terme-là. Ça n'arrêtera pas. Il y a un usage et une utilité à ça et il y a également un choix qui a déjà été fait. Donc, les algorithmes sont dans le monde, le dirigent à certains égards, vont le diriger de plus en plus et il y a quelque chose d'irréversible un peu à ce stade-ci, là, si on poursuit évidemment dans le contexte des avancées de l'utilisation même des technologies. Donc ça, il y a une notion de choix qui a déjà été fait. Donc, ils sont partout, ils vont être partout, ils vont rester partout. Maintenant, de là, on peut s'imaginer des mauvaises choses, mais bon, le rapport préfère commencer par les bonnes. Ben, j'imagine, évidemment, oui, quand même. Il faut se rappeler que tout n'est pas négatif. On génère de plus en plus d'informations. Il y a de plus en plus de possibilités d'utiliser cette information-là pour aller prendre des bonnes décisions au service de la société. Et évidemment, en ce sens, l'humain ne sera pas en mesure d'accomplir cette tâche-là parce qu'il y a trop d'informations. Ouais. Donc, ça devient important de créer des outils, donc des outils algorithmiques qui vont permettre de faire sens de l'ensemble de ces données-là, qui vont peut-être pouvoir, à travers leur usage, amener des avancées importantes en science, bonifier les capacités humaines, bonifier la prise de décision et donc en arriver peut-être à pousser un peu plus loin ce qu'on pourrait appeler l'être humain augmenté, là, si on peut dire, qui s'en vient et aussi progressivement. Donc, parfait, toujours plus de savoir, toujours plus de possibilités d'aller chercher cette information-là. Bon, les banques, par exemple, qui vont pouvoir faire des choix toujours plus éclairés en matière de prêts, notamment en matière de qualification. Les assurances qui vont pouvoir aussi analyser de manière beaucoup plus détaillé au-delà des marqueurs qu'elles utilisent déjà pour aller chercher de l'information. Ça va être la même chose avec les gouvernements, évidemment. Donc, pour la prise de décision, mais si on a accès à énormément d'informations, ça devient intéressant de pouvoir, justement, aller prendre des décisions de plus en plus précises à partir d'informations de plus en plus globales. Alors, ça c'est évidemment des éléments quand même assez favorables. Donc, on peut s'imaginer avoir une société qui va être plus efficace. Donc, pour les services de police, pour les automobiles, avec les autos autonomes notamment, donc ouais, baisse de risque d'accident, etc. Donc ça, c'est évidemment, disons, un beau possible qui s'en vient. Mais comme tu disais tantôt, on a tendance à penser initialement aux dérives qui peuvent y être amenées. Et notamment, tu mentionnais, c'est un peu le troisième axe qui a été ressorti, c'est ce que tu disais tantôt, l'humain là-dedans, où il est. Et est-ce qu'on a l'impression que si on base trop nos décisions sur des pourcentages algorithmiques, si on peut dire, ou des outils algorithmiques, eh bien, est-ce qu'on risque de perdre éventuellement une certaine humanité et le jugement humain aussi, qui est pas quelque chose qui peut être recréé pour l'instant? Ouais, parce que tu l'as dit aussi là, mais je simplifie, je pense bien beaucoup là, mais il reste qu'un algorithme à la base, c'est une formule mathématique là, c'est des maths là. Hein? Oui, puis en fait, c'est ça, ça réfléchit pas avec le cœur, là, un algorithme, là, je peux pas croire, à moins qu'on puisse perfectionner ça, puis qu'il y ait des sentiments, puis de la raison qui rentre là-dedans, mais je pense pas qu'on en est là. Et en même temps, c'est qu'il y a aussi une notion, et c'est quelque chose qui est souligné dans l'étude, que j'ai trouvé très intéressante, c'est qu'il y a aussi des sentiments qui rentrent dans la création même des algorithmes. Ah! Parce qu'il y a quelqu'un qui le crée à un moment donné. Et exemple, si on parle de Facebook avec ses marqueurs de nouvelles, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a déterminé c'était quoi les critères. Et ça, c'est pas la machine toute seule qui l'a fait, c'est des gens dans une salle qui se sont dit, OK, quels critères, quels facteurs on devrait analyser en priorité, quel facteur est plus important, quel facteur est moins important, mais ça, c'est des décisions à caractère éditorial. Ouais. Ensuite, l'algorithme, lui, va partir de ces informations-là et va faire son travail, le travail pour lequel il a été créé. Et donc, au départ, il peut avoir des biais qui peuvent être défavorables pour certains groupes sociaux, qui peuvent augmenter certains écarts entre les riches et les pauvres, qui peuvent, refléter aussi certains enjeux sociétaux, sociaux, raciaux, etc. Donc, nécessairement, il y a ce biais-là qu'on a tendance à oublier quand on parle de l'algorithme. Et en même temps, dans ce contexte-là, c'est aussi que les algorithmes, je disais tantôt, c'est souvent propriétaire, mais ça veut dire que pour le commun des mortels, on n'a pas accès à aux critères de base de l'algorithme, au marqueur. Évidemment, on imagine pourquoi aussi... Pourquoi ma compagnie d'assurance m'a refusé? c'est l'algorithme, oui, mais qu'est-ce que vous lui avez demandé? Donc, évidemment, ensuite, on n'a pas accès non plus au codage de l'algorithme parce que ça demeure des avantages concurrentiels, mais dans un contexte d'une société où ça prend de plus en plus de place et où les biais qui vont être marqués dans ces algorithmes-là vont avoir des influences majeures sur beaucoup de vies, ben comment on est en mesure de faire un suivi de tout ça? Donc, il y a cette préoccupation-là, évidemment, qui demeure, là. Puis ça va vite. C'est que ça va vite aussi, la réflexion sur l'algorithme et sur l'avancée des sciences en général, là. Mais cette réflexion-là n'a pas le temps de suivre la technologie, on a l'impression aussi. Et à la limite même, il y a des gens qui ne pourront pas la suivre non plus, que ce soit par manque de littératie, que ce soit par manque monétaire. Et donc, éventuellement, je parlais tantôt d'êtres humains augmentés, ben, est-ce que ça va être tous les êtres humains qui sont augmentés ou ça va être 50% des êtres humains qui vont l'être, puis l'autre 50%? Il y aura une forme d'eugénisme, on va choisir qui sera augmenté et pas. Et évidemment, ça risque d'être des critères sociaux, des critères monétaires, liés aux fonctions de privilège et le reste. Alors, ça sera pas nécessairement quelque chose qui va se faire dans l'égalité de tous. Ou comment peut-on faire pour que ça se fasse dans l'égalité de tous, ouais, et que, dans le fond, on n'est pas des personnes qui ont accès à ces informations-là, qui ont accès à ces outils-là, qui s'augmentent, si on peut dire, et parallèlement, ben, ceux qui, tout simplement, dans le fond, sont laissés pour compte derrière. Donc, on parle aussi beaucoup de fracture numérique, pour l'instant, qui est beaucoup ancrée dans l'accès aux outils informatiques et dans la culture informatique, voire dans l'analphabétisme aussi, au sens large, mais parallèlement, donc, il y aura cette préoccupation-là qui sera de plus en plus large, parce que plus l'informatique, plus le numérique prend de l'importance, mais plus déjà ce qui est présent en termes de fracture sociale devient de plus en plus importante. Ah, c'est incroyable. Alors, c'est pas nécessairement pour une meilleure société. On verra, en tout cas. Hey, Raymond, j'ai une question à 100 000 piastres. Un algorithme, c'est pas mal comme l'intelligence artificielle ou ce serait comme la structure de l'intelligence artificielle? C'est la structure, on peut dire, de l'intelligence artificielle. Dans le fond, les développements en algorithmie vont pouvoir permettre un développement toujours plus accentué de l'intelligence artificielle. Et on va atteindre l'intelligence artificielle quand les programmes vont pouvoir créer d'autres programmes aussi où là, on va pouvoir dépasser peut-être une certaine gamme de fonctions. Si je vois de manière très, très grossière, là, on s'entend. Mais oui, on en est là. Et par exemple, en vision, ben, l'idée, c'est de pouvoir permettre à des machines de reconnaître des formes pour pouvoir les prendre. Mm-hmm. C'est déjà un défi parce qu'évidemment, je pense en fait, si on met par exemple un fond qui est d'une couleur différente, ben, il y a des éléments de reconnaissance différents. Si les formes ont des tailles différentes, ben, encore là. Donc, il y a des complexités déjà dans ce type d'enjeu-là. Et donc, pour l'instant, exemple, on crée des algorithmes qui permettent à la machine de tester, donc de prendre des objets, de tester les différentes formes, les différents objets, de faire de la reconnaissance photographique parallèlement à des banques de photos d'objets qu'on lui fournit. Et donc, elle fait des tests et la machine apprend. Donc, c'est un algorithme d'apprentissage qu'on a créé. On lui a dit, ben, apprends à reconnaître des objets et à pouvoir les prendre. Et elle va pousser toujours plus loin cet élément-là pour pouvoir parfaire justement sa maîtrise de la chose. Donc c'est la même chose un peu pour tout ce qu'on appelle algorithme d'apprentissage, donc le machine learning, et dans le fond, il y a donc la machine qui apprend de l'humain et qu'on fournit de l'information, mais il y a aussi la machine qui va apprendre de d'autres machines qui vont partager de l'information entre elles et éventuellement mais qui vont pouvoir générer d'autres machines, mais là on tombe dans un horizon peut-être de plus de 10-15 ans. Quand les machines feront tout, qu'est-ce qu'on va faire, Raymond? Ça va être la société des loisirs qu'on nous avait promis il y a bien longtemps de ça. Est-ce une bonne chose? Oui, je sais pas. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça me fait plaisir. Et si les gens veulent mettre la main sur le rapport, là, il est sur pewinternet.org. Très intéressant, très détaillé, là, pour voir l'ensemble des réponses. Ça donne un panorama quand même assez complet si vous êtes intéressé par ces questions-là et par l'âge de l'algorithme, entre guillemets. Ouais. On verra jusqu'où ça va nous mener. Peut-être que dans quelques semaines, on pourra se parler des avancées. Ça va tellement rapidement. Merci encore une fois, Raymond. Ça fait plaisir.